arc-en-ciel, un amour de FM. Il est 13h35, voilà donc un retour avec l'émission Bizdance sur Arc-en-Ciel, la radio en couleur. Il est tout pile, eh bien, comme je l'ai dit à l'instant, 35 minutes de 13h. Voilà, donc pendant quelques minutes, eh bien, la chanson que vous avez entendue, c'est Marie avec l'homme de nom. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne matinée avec l'émission de Jean-Pierre entre 9h jusqu'à midi. Donc, eh bien, voici des chansons de toutes les générations. Et voici une des chansons, tout simplement, de Dick Rivers avec Les yeux

Dalida. Bonne nuit et Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais, n'oublie jamais. Bonsoir. Aujourd'hui, je ne t'ai pas écrit. Que sont devenus Amore, baciami, arrivederci, amore, baciami, e se mi penserai ricordo. toutes. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc le groupe de téléphone. Le titre s'appelle « Ça, c'est vraiment toi ». Et juste après, on écoutera « Cap de Vielle ». Sur Arc-en-Ciel. Compound.

Vamos a ser felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato. Y siempre que se va regresa a mí, Maluma baby. Une radio pour moi. Notre radio. Voilà, non, après tout simplement le Latinos, voici deux titres différents du Twist et puis juste après Tectonic. On va faire le Twist. C'est le nouveau rock. Rien n'y résiste. N'hésitons pas, faites comme moi. Tu vais bien même pas. Rythme le Twist. Oui, dans le voilà, main là. Et tu t'y prends bien. Continue comme ça. Un tour autour de moi. Balance encore tes bras. Et bien sûr, mon cœur. Et rythme le Twist. Yeah. Tes bras, ouais, mon cœur va pour toi. Yeah. Rythme de twist, ouais, donne-moi la main là. Yeah, tu t'y prends bien. Continue comme ça. Yeah, à tour de bras, oui, tourne bien encore. Mais en dansant, n'oublie pas, n'oublie pas que je suis là, tout en réponse le twist. Yeah.

fun, make it fun, make it fun. We can all go dum dum dum dum dum. Hey, prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Voici donc Black M avec son titre French Keys et puis juste après Claudio Capella. Trop de fierté pour avouer, les sentiments il faut pas jouer, les sentiments ils te font douter. Qu'il te dégoûte. Oh, ma copine, raisonne-toi, arrête tes sottises, tes sottises, tes sottises. Pour parler d'amour, pas besoin de sous-titres. Je te vois, tu soupires, laisse-le partir, je suis là au pire. Bah ouais, ton cœur est brisé, toutes les femmes te disent, c'est l'homme le fautif. Hein. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss. Je l'aime à la folie, French kiss. Je l'aime un peu, beaucoup, French kiss. Je l'aime passionnément, French kiss. Pas du tout. Tu n'es jamais sûr de toi. Tu sais pas ce que tu veux, toi. Tu le veux sous le même toit. Tu la veux sous le même toit. En un mot, suffit pas d'y croire. Tu vis dans le doute et l'espoir. Quand t'es seul face à ton miroir, tu te refais l'histoire. Mais tu l'aimes. Naufragé, j'ai perdu ma route. Je m'en reviens même pas à réaliser. Paralysé, j'ai perdu ma route. Quand tout fait mal, comment se racheter?

Elle veut plus de moi, car je suis mauvais. Elle veut plus de moi, car je suis mauvais. Elle souffre en silence, elle pleure des océans. Son cœur sous ciment, au fond elle n'est pas de ciment. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Chérie Coco, mais pourquoi t'es comme ça, baba baba ba. Chérie Coco, mais pourquoi t'es comme ça, baba baba ba. Chérie Coco, mal d'avouer. C'est pas une vie de joie, et moi un bon côté. Ma chérie, y a des hauts et des bas, notre avenir est rattrapable. Je n'y ai des signes et des bas, être sérieux, non, je ne suis pas capable. On pouvait s'en sortir, mais toi comme par hasard. Toi tu retiens le pire je suis pas là-bas. Si ma tête a brillé, je te jure c'est pas ma faute. Bien sûr qu'on est liés. Et tant pis pour les autres. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Chérie Coco, mais pourquoi t'es comme ça, baba baba ba. Chérie Coco, mais pourquoi t'es comme ça, baba baba ba. Chérie Coco, on va l'avouer. Chérie Coco, l'avenir est à nous deux. Chérie Coco, on va l'avouer. Chérie Coco, l'avenir est à nous deux. Chérie Coco, papa papa papa m'a laissé seul dans ce désert. Je me mets dans un gros jaune et papier. Et je me retrouve perdu comme un sans-papier. J'ai laissé mon cœur, tu l'as vandalisé. De mes fautes, du désir me verbaliser. T'es ma bella, t'es tout avoué, serait peut-être ton oublié. T'es ma bella, ouvre la porte, ne me laisse plus sur le palier. Pour les côtés, mais j'ai beauté. Elle me voyait tout comme le dernier demi-tour. N'écoute pas tous ces michetons ailleurs. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, perdre la raison. Chérie Coco, mais pourquoi t'es comme ça, baba baba ba. Chérie Coco, mais pourquoi t'es comme ça, baba baba ba. Chérie Coco, on va l'avouer. Chérie Coco, l'avenir est à nous deux. Chérie Coco, on va l'avouer. Chérie Coco, l'avenir est à nous deux. Chérie Coco, très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Céline Dion et puis le deuxième, c'est Céline Dion en duo avec tout simplement Goldman. Les mains serrées. Fermez les yeux, j'aime plutôt ça. Je n'oubliais pas un peu si c'était un peu le plus. Pourquoi pas? Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'ai, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel, il m'entend pas. Pour moi, quand je me réveille, je loue le jour. La vie toujours s'émerveille. Je prie les roses, je prie les bois, les vertus pour qu'on se voit. Je prie l'hiver, tu s'en vas. Ni tu risques, ni la mer, ni le soleil, c'est éclat. Je suis à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc, ben, je vous laisse avec un disco mix. Puis juste après, on écoutera Supertramp. Do it.

wanna get together. Voici donc que s'appelle Donna Summer, et juste après elle, on écoutera Gloria Gaynor avec Alive B, tout simplement. Thank you. Cool and the Gang avec Johanna, et puis juste après on aura Bangam avec Self Control. Thank you. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. La grille des programmes donc pour aujourd'hui à partir de tout simplement avec Christophe, l'émission Eric Choc avec Christophe donc entre 19h jusqu'à 21h. Demain mercredi vous allez retrouver à partir de 7h jusqu'à 9h avec Francky, juste après Victor entre 9h midi. Et puis à partir tout simplement de 19h30 jusqu'à 21h avec Christin. Et puis pour le jeudi matin à partir de 7h comme tous les lundis jusqu'à vendredi avec Francky. Et donc à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver tout simplement Argemiro dans l'après-midi à partir de 15h, 17h. Avec Chantal, et puis juste à partir de 18h, 20h, avec Sylvia. Je vous laisse avec Glenn Medeiros et puis juste après lui, on écoutera Mireille Larosi. Le titre, si tu aimes la musique. Without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us. Our love will lead a way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help. Voici donc, je laisse avec Daniel Guichard le titre Un matin sur la terre, et puis France Gall.

les supplices. Tombent les actrices. Et dans leurs yeux chromés, le destin s'est brouillé. J'ose l'espérer. Quand tu t'en iras,

He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. You're gonna lose that girl. Yeah. donc la chanteuse s'appelle tout simplement Ryan Bach avec La Paix. Et puis Lily Harmony avec Tant aimé, un petit coucou. La paix, la paix, la paix, la paix. J'aime la vie et suivi de Goldman. Je vois des gens tourner le dos, comme si la vie marquait zéro. Moi j'ai 15 ans et je te dis wow, wow, j'aime la vie. La vie, la vie, la vie. Il faut y croire chez moi aussi. Des flashs espoirs de sa sortie. Mais dans la vision, j'aime l'horizon.

bocadinho. Portugal Alex, com António Machado e Manuel Marques de saída, marcamos encontro com eles para amanhã por esta hora aqui no Melhor de Portugal. Recordamos que amanhã, dia 11 de maio, às 10 horas locais, termina o fim da dupla iluminação do satélite Intelsat 34, cobertura da América. Assim sendo, a frequência de recepção passa a ser 4.112,6 MHz, mantendo-se inalterados os restantes parâmetros. Se tiver alguma dúvida, deve ir a correr ao site da RDP Internacional, www.rtp.pt/redesatélites, para ficar a saber tudo sobre esta alteração. A festa na avenida é o dia da procissão. A concertina avança contra a buzina de um caminhão. Há festa nas varandas, frestas no alcatrão. Ouvem-se as bandas por entre as sarabandas do capelão. Se a América se lembrar de carregar rosa redonda a saia, on board the night train. A saia das áreas ainda foi caro. Rosa redonda vem a velha. A chula, a prima segura a irmã. O Zé da adega amarra a mulher e a filha segura o chão. Se a América se lembrar de carregar o tal botão, que o mundo durou menos até ao fim do dia da procissão. Solidão.